définit comme il veut. Mais après, on avait tous ce mot-là comme catalyseur. Fallait que ça ait un rapport. Et donc, en tout cas, moi, j'étais avec Corentin. Et du coup, oui, on devait chacun faire un couplet sur sa passion. Donc, Et toi, par exemple, ta passion, c'était quoi ? Alors moi, j'ai fait un texte qui s'inspire de la musique « Petit bout de bois » sur le fait de grimper aux arbres. Donc voilà. C'est un texte plus humoristique sur le côté un peu immature de « je trouve un gros bâton, je monte haut », tout ça. Et j'ai trouvé que c'était plutôt rigolo. Après, le problème, c'était qu'on était vraiment beaucoup dans le flou, en fait, quand on le faisait. C'était qu'on faisait la prod, et puis en même temps, on faisait la musique, et puis on faisait pas de pont entre les deux, donc on faisait une prod sans faut personnage. Rappeler que vous avez eu quand même qu'une semaine pour faire tout ça, donc c'est un peu logique oui. Que tout n'ait pas été abouti comme vous l'auriez souhaité dès le départ. Noah, c'était quoi ta passion dont tu as parlé dans le rap auquel tu as pu participer ? Bah, j'ai pas parlé de ma passion, mais genre, on a parlé d'un hérisson qui t'a abandonné. D'accord. Et qui a retrouvé sa famille à la fin. Okay. Timéo, toi, ça parlait de quoi ? Nous, ça parlait d'une petite personne qui était dans la ville de Paris et qui pouvait passer partout et qui était pauvre, qui vivait dans les rues et tout ça. Et voilà. Ok, très bien. Et toi, Corentin, alors ? Donc, moi, ma passion, c'est la pétanque. Donc, j'ai parlé de la pétanque sur mon rap. Super. Bah, vous aviez été inspirés, les gars. Hein. Puis en plus, ce n'est pas des sujets qui sont similaires. Donc, alors, il faut savoir que dans le projet, il y avait aussi plein de filles. Mais bah, voilà, aujourd'hui, elles ne veulent pas parler. Vous êtes sûres ? Non ? Non, toujours pas. Est-ce que vous avez découvert des choses sur vous au travers de ce projet-là ? Corentin, ouais ? Bien sûr, donc j'ai appris à me dépasser au niveau écriture et au niveau créer une prod de notre musique pour notre concert de la fin de la semaine. Super, bravo. Et vous les garçons, vous avez découvert des choses sur vous ? Moi j'ai découvert que je m'étais améliorée dans la recherche et l'inspiration. Ouais. Et écrire les textes et tout ça. D'accord. Est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin artistiquement ? Est-ce que cette première expérience, ça vous donne envie, pourquoi pas, de continuer d'écrire ? Même si c'est pas pour en faire de la musique, mais d'écrire et de produire, ou même de faire de la musique finalement. Donc moi avec Monsieur Simon, on a un groupe de musique, donc j'essaye de jouer de l'harmonica. Donc j'espère que je pourrai continuer plus tard à jouer de l'harmonica. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Corentin. Merci. Timéo ? Mais non, moi j'ai rien à dire spécialement. T'as pas envie de donner une suite forcément à ça ? Non, pas forcément. Mais malgré tout, t'as aimé vivre l'expérience ? Bah après, oui, si, j'en ai peut-être une. C'est, j'aime beaucoup faire du DJ, tout ça. Donc là, peut-être que ce soir, on va peut-être faire une soirée DJ où je serai DJ et j'aime beaucoup DJ sur les platines et tout ça. Oui, parce que ça faisait partie aussi, c'était un des volets justement de cette semaine artistique. Il y avait aussi la partie DJ. Noah ? Bah, j'ai déjà mon projet professionnel, donc je pense pas, mais... Ça peut être à côté ? Bah oui, peut-être, mais je pense pas. Ok. Bon, bah merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Pourquoi m'ont-ils abandonné ? Est-ce que c'est trop particulier ? Pourquoi m'ont-ils pas gardé ? Mais moi, je suis fière d'être particulier. Pourquoi m'ont-ils abandonné ? Est-ce que c'est trop particulier ? Pourquoi m'ont-ils pas gardé ? Mais je suis fière d'être particulier. L'espoir pour trouver l'adresse de ta famille, t'hériter, je m'en souviens qui défile. Par la fenêtre, j'aperçois une fille, je sens que dans ma tête, ça part en vrille. Abattre le thé, c'est élevé comme un thé, abattre le thé, je vais comme manger. Ils m'invitent à manger pour tout me révéler, je veux la vérité, mais je suis pétrifiée. Ils ont pas accepté ma différence, pour eux, c'est beaucoup trop de dépenses. Pendant toute la minute, j'ai vécu en mon absence chez moi. Les gens pensent que je suis fort, solide, intouchable, mais ils ont tort. Les gens pensent que j'ai roulé sur l'or, pour y arriver j'ai doublé l'effort. Je reste cloîtré dans mes draps, le sommeil vient me chercher de plus en plus tard. Les flashbacks deviennent mes cauchemars, j'angoisse et je tremble tous les soirs. Au plus profond de moi, mon passé m'a cassé par des mots, des phrases, des coups. Mon enfance bouleversée, mes douleurs jamais acceptées. Ma famille m'a jamais respectée, mais j'ai décidé de changer. Maintenant je suis soulagée.